男前の殺し屋は香水の匂いがした。 でっかい指輪をはめてるな。 安かねえんだ。 安心しろ、そいつには当てねえよ。 曲がったネクタイを気にして死んだ。寝ぼけ顔の殺し屋は寒そうに震えてた。 女を抱いてきたのか。 当たりきよ。 湯たんぽを抱きな。 熱いなまりを抱いて死んだ。 Et voilà, c'est nous, Bulle de Rêve, Florentine. Bonjour. Et Alexis qui vont vous présenter donc deux heures de cinéma d'animation avec notre invité qui pour l'instant n'est pas derrière le micro. Il est, voilà, je peux pas le dire à l'antenne quand même, on est en plein direct, mais il va arriver, enfin il est là, hein, il est dans le studio, il est juste à côté. Donc voilà, une émission, ça fait pas un mois qu'on a eu la dernière, si. J'ai l'impression que... Ça passe vite, hein, j'ai l'impression que ce train-train était, c'était à peine hier. Donc une émission avec un seul invité, mais quel invité? Un invité qui... Ilan Nguyen, que vous avez déjà entendu ici, qui va nous parler de la nouvelle génération du cinéma d'animation japonais. On va faire un petit topo quand même sur l'animation, on va dire, les anciens, hein, pour que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, une animation japonaise qui a souvent été, alors pour les gens qui ont à peu près mon âge, hein, une quarantaine d'années, dévalorisé. Vous vous rappelez peut-être l'arrivée à l'antenne de Goldorak ou ce genre de choses. Et voilà, et pendant longtemps, c'était absolument terrible. Et puis, il y a eu une nouvelle génération. Et puis maintenant, la nouvelle génération, par contre, ne regarde que de l'animation japonaise, en tout cas beaucoup, même si c'est pas terrible. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça. Et on va surtout parler de court-métrage. Ilan vient de revenir. Donc, bonjour, Ilan. Bonjour. Donc, voilà. J'ai pas désannoncé quand même, c'est important, parce qu'Ilan ne connaissait pas, je le dis en direct. La musique que vous avez entendue du générique, on la doit à, et là j'ai honte, un compositeur que je connais, mais non, j'ai oublié le nom. C'est tiré d'un film de Seijun Suzuki, qui en français s'appelle La marque du tueur, en japonais, tu te rappelles? Ah ça, non. Voilà. Et qui est au débeauté là, non, malheureusement. Qui est un très très grand film qu'il faut absolument voir, qui est édité en DVD en France et qui est complètement barré, qui est un peu le voilà un croisement entre film de yakuza, ou en tout cas de là c'est pas des yakuza puisqu'on est sur même s'il peut y en avoir des tueurs à gages, et le croisement avec une nouvelle vague film plus à la Oshima et la Imamura, ou des choses comme ça. Donc voilà, on doit ça. Mais les fêtes approchent. Oui. Et donc si je vous racontais un petit conte. Voilà, je l'ai composé là à l'instant, mais bon, pourquoi pas. Alors, dans un petit village, vivait un artisan. Il fabriquait depuis des années des images qu'il mettait bout à bout. Au gré de son humeur, il créait ses images en dessin, en papier découpé, en pâte à modeler et d'autres très nombreuses matières. Tout le monde appelait ses créations des dessins animés, quel qu'en soit le matériau avec lequel il fabriquait ses images. Le nom venait en fait d'un gros artisan qui vivait dans une autre ville à côté et qui lui créait ses images en grand format, hein, pour, surtout pour les enfants. Mais ça dérangeait pas tellement notre petit artisan qui continuait à travailler dans son coin. Puis quand même, lassé un jour, il décida de changer de nom à ses créations. Il décida d'appeler Animation. Ça lui donnait l'envie, voilà, de créer quelque chose qui n'avait pas de vie. Ses créations, il ne les appelait pas encore des films, hein, étaient montrées à d'autres artisans dans des réunions. Pendant ce temps-là, les gros artisans étaient devenus des commerçants. Puis l'idée vint à l'artisan qu'il faisait quand même du cinéma. Donc il a appelé ça le cinéma d'animation. Beaucoup de gens se rendirent compte alors que, en fait, ce que faisaient les gros commerçants, leurs dessins animés, n'était qu'une partie de l'énorme travail que pouvait créer l'artisan. Puis les outils se développèrent au fil des années, les petits artisans se multiplièrent. On a créé même des écoles pour apprendre cette technique que les artisans avaient créée. Il y a eu de plus en plus de commerçants. 1 qui se lancèrent dans l'animation et la technologie aidant, des artisans apparurent un peu aux quatre coins du monde. Bientôt, cet art a repris un terme beaucoup plus simple qui correspondait un petit peu au premier pas de l'artisan et qui était le cinéma image par image, qu'est le cinéma par image, image par image, et l'autre cinéma qu'on a appelé prise de vue directe aujourd'hui. Alors, là je me suis arrêté de faire mon petit compte. Alors pourquoi ce petit compte-là ? C'est que en 2012, les choses changent pour l'animation et l'animation découvre la vie réelle. Pendant longtemps, ce petit artisan s'est rendu compte qu'il était seul dans son coin. Et en 2012, je ne sais pas encore si c'est la fin du monde, on verra bien, mais imaginons que ce n'est pas la fin du monde. Donc continuons, enfin ça peut être la fin du monde, hein. Je rappelle qu'il y a une élection en France. Mais donc, imaginons que voilà, ce n'est pas complètement la fin du monde. Qu'est-ce qui va devenir de ce cinéma d'animation ? J'avais noté, en fait, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus structuré, et j'avais noté des termes, CNC, syndicat, producteur, école, studio, Emily, storyboard, plein de choses auxquelles je voulais vous parler. Il y a de quoi faire une sacrée tambouille, là. Aujourd'hui, alors voilà. L'idée, c'était de vous dire que l'année 2012, on va essayer d'avoir autour du micro quelqu'un, des gens comme Didier Brunner, par exemple, pour nous parler un peu de leur métier, des armateurs. On va essayer d'avoir des gens comme voilà, des créateurs ou des producteurs. Mais j'aimerais bien que de plus en plus, on ait des gens alors comme Ilan. Des duos. Voilà. Producteur, réalisateur. Alors, on va faire quelque chose. On va faire une émission. Florentine ne sait pas encore, donc je le dis en direct. On va faire une émission nous expliquant vraiment le travail du producteur. C'est-à-dire ce producteur qu'on a l'impression d'être uniquement là pour gagner de l'argent, voir ce qu'il fait, notamment dans le court-métrage, par rapport à la durée. Attention, on peut pas faire plus de 10 minutes, plus de 12. Qu'est-ce que ça apporte, etc. Ou qu'est-ce que ça enlève. Donc, on va faire ça. Mais vraiment, l'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir des émissions qui vont être le plus, qui vont réfléchir un peu sur l'animation. Et notamment, là, il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec les films de fin d'études. Les films de fin d'études, plus les films de stage, plus les stages, enfin tout ce genre de choses où on se demande où on va. Et je pense qu'on a laissé beaucoup de place aux films de fin d'études pendant longtemps. On n'a pas compris réellement ce qui se passait. Et que maintenant, ils prennent une place qui est énorme et que les studios savent à quel point la liberté créatrice des étudiants est importante à récupérer. Donc, ils viennent directement dans les écoles pour les récupérer. Voilà, puiser, même en les payant. C'est-à-dire en les payant en faisant des séries. Ça existe, par exemple, à l'MK, il y a une société qui vient et qui dit, vous faites une minute, on vous paye. Comme une espèce d'alternance. Plus quelqu'un qui nous racontait récemment, Emily Mercier, qui est quelqu'un de très intéressant, très important, qui a gagné un prix, deux prix à Bru avec Bisclavrin. On est très content pour elle, qui nous disait à quel point aujourd'hui c'était compliqué, après 20 ans de métier, de continuer à faire son métier, que voilà, il n'y avait pas les studios supprimés, même des postes importants comme le storyboard, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que je pense voilà que l'animation aujourd'hui est sortie de sa bulle et qu'on l'a voulu. On est tous très contents qu'il soit aussi sorti de sa bulle, mais que il se retrouve confronté à tout ce qui se retrouve depuis des années. C'est-à-dire que les délocalisations, ça fait longtemps, mais là, ça va devenir abondant parce qu'il y a de plus en plus de films qui se font. Et pendant ce temps-là, on n'a pas tellement travaillé non plus, en tout cas, peut-être pas suffisamment, pour faire que le public apprécie l'animation aussi d'une manière plus large. Là, on va avoir un premier trimestre étonnant avec Kroulik, alors Green Wave, je ne sais pas comment ça va s'appeler en français, qui est sur la révolution verte, entre guillemets, mais iranienne. On va avoir Tatsumi, on va avoir... je ne sais plus quel autre film que moi je connaissais pas, mais qui va sortir avec bientôt les chiens, avec les chiens, voilà, hein, qu'annonçait Marc sur Katsuka. Donc il y a plein de choses. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail encore à faire, qu'on va essayer de faire tout du long, mais pour que ces petits artisans continuent aussi, mais toujours en faisant des choses qui nous plaisent et surtout qui sont plus que nous plaire, qui amènent quelque chose de plus au cinéma d'animation, qui je pense le mérite. Et pour évidemment comme je le dis toujours, si on fait quelque chose sur le cinéma d'animation ici, c'est simplement parce que les autres émissions n'en parlent pas et que j'aimerais bien qu'on puisse dire qu'on fait une émission sur le cinéma en général, mais tant que les autres n'en parleront pas, on continuera d'en parler. Voilà, c'était un petit topo rapide pour cette fin d'année. Je sais pas si Ilan, tu as un commentaire. C'est très bien, c'est merveilleux ce discours programmatique avec ses dimensions effectivement notamment métaphorique, n'est-ce pas? Moi, ça m'a refait penser au travail d'André Martin, notamment les écrits d'André Martin qui ont été pionniers dans cette définition rhétorique justement du cinéma d'animation dans les années 50. Il faut relire et qu'on gagne toujours à relire. Il faudrait qu'un tome 2 de ces écrits puisse voir le jour, un tome 3, qu'on puisse faire le tour. Je sais que des gens très brillants en France qui sont dans l'étude du cinéma d'animation, comme Hervé Joubert-Laurencin par exemple, mentionnent une recension qu'il a faite des écrits d'André Martin. Et il faudrait que ça puisse profiter, effectivement, qu'on puisse aller récupérer ces différents éléments et les publier, parce que vraiment, à mon sens, ça relèverait d'une forme de salut public pour le domaine qui nous intéresse. Ce sont des écrits fondateurs et des gens comme Joubert Lansard le reconnaissent très clairement, disent vraiment à leurs yeux et aux miens, mais ça n'a aucune importance. Vraiment, les travaux d'André Martin sont c'est le critique le plus important en termes d'animation. Donc il n'est pas traduit du tout, ni en anglais, ni en aucune autre langue, mais on a nous la chance de pouvoir le lire en français. Il y a vraiment des choses effectivement appuyées là qui ont servi, qui ont éclairé les créateurs eux-mêmes à l'époque. Donc vraiment, c'est le cas idéal, je pense, du rôle du critique, et on a tous à en prendre de la graine. Voilà. Ça serait intéressant aussi, si une maison d'édition était suffisamment courageuse pour faire ça, d'avoir, alors ça serait un autre travail, mais moi c'est un peu un rêve d'avoir les écrits de Takata Isao sur Frédéric Bach ou sur tous les grands noms de l'animation qui doivent être assez passionnants aussi dans un style complètement différent. Là, c'est un créateur qui parle d'autre, mais il y a des choses à traduire. Ouais. Ouais. Ça peut se faire, mais c'est moins important, je pense. D'accord. Mais bon, quand même, j'aimerais bien, surtout par rapport aux travaux de Miyazaki qui ont été traduits en anglais, qui sont intéressants. Il y a des choses évidemment passionnantes, mais je me dis que Takata, voilà. Ceci étant dit, on va écouter la douce voix. L'agenda qui sera assez bref. Puisque notre prochaine émission sera le 14 janvier. Donc voilà, bon, un c'est mois. Pas, on ne sait pas encore sur quoi, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de caméra Alexis. Dans le rue, mais voilà, mais Florentine je nous revient dans un. Noir. Voilà. C'est vrai qu'on commence à y penser. Mm-hmm. Et donc, bon, il y a surtout les périodes des fêtes où c'est des périodes un peu calmes. Mais je vais commencer par une, pour le coup, une journée qui rassemble animation, prise de vue réelle et autres autour du court-métrage. Donc le jour le plus court, qui est une journée lancée par le CNC et qui a été contestée par plusieurs parties, donc notamment par la Société des réalisateurs de films. On avait relayé sur Zoé Banim une lettre qui est ouverte qu'ils avaient faite. Donc voilà, journée qui est lancée par le CNC, un peu test, bon, qui répond à la journée la plus longue qui était la fête de la musique du 21 juin, et donc qui a vocation à montrer du court-métrage partout en France et sur tous les écrans, donc pas seulement dans les cinémas, que ce soit les cinémas indépendants ou les multiplex, mais aussi sur les chaînes de télévision, les médiathèques, les associations, les gares, les musées, donc aussi des écrans qui sont inhabituels, et voilà. Des lieux publics, des lieux de passage, pas forcément des salles, pas forcément des endroits où on est assis pour regarder du cinéma. Donc, une autre façon de regarder du cinéma. Alors, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant. L'émission du 14 janvier pourrait être là-dessus. Je vous avoue, la faire dès maintenant, et Florentine, à juste titre, m'a dit non, on attend que ça se passe. Il faut voir ce que ça donne. Un bilan tiré sans doute de ça. Voilà, tout à fait. Le problème, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que si l'idée est bonne, c'est la date, 21 décembre, en effet, qui n'est pas forcément la meilleure date pour sortir. Pour les vacances scolaires, ça tombe. Oui. Voilà, l'hiver étant ce qu'il est. Voir, même si au niveau de la communication, ça fait bien. Et évidemment, le problème aussi, c'est est-ce que c'est une réelle volonté, là, du CNC, Centre de National mettre en du avant Cinéma, et donc de l'image animée maintenant, de mettre en avant tous les courts-métrages. Ou est-ce que c'est une journée de com, de communication Si vous êtes à Paris, notamment, je ne sais pas, un petit peu en province, mais vous avez vu, il y a des crans... grandes affiches énormes dans le métro, et ce qui serait intéressant, c'est d'aider le court-métrage toute l'année. Alors moi, je peux rien dire dans le sens où le 21, je serai dans une salle à Ris-Orangis pour présenter autour du film de Scorsese. Il y a énormément de choses qui sont des courts-métrages, donc à la fois c'est passionnant. Enfin voilà, donc c'est une vraie réflexion en tout cas qu'il faudra avoir à pas et pas laisser passer. La réflexion aussi de différents lieux. Par exemple, je lisais que à Gare Montparnasse, il y aura 3 écrans géants avec des courts-métrages qui passent. Alors voilà. Film de Méliès, ouais. Est-ce que il y a eu 21 courts-métrages de la sélection qui a été proposée, il y aura aussi un peu de tout, mais voilà, dans une gare, avec les gens qui passent, comment appréhender, c'est quand même pas évident pour apprendre le cinéma. Hein. Comment appréhender le cinéma, dans quel écran on met le cinéma, c'est vrai que c'est... Et voilà, donc, comme on l'a dit, ça peut au moins faire poser des questions, ça sera déjà une bonne chose. Ouais, donc j'avais mis aussi à noter que l'association Croganime participe à l'événement et que sur Paris ou même vraiment partout en France, tout le programme qui est sur lejourleplucourt.com est foisonnant. Foisonnant, voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai aussi vu que Roux passait à la bibliothèque François Truffaut. Donc même moi, mon film participe. Donc voilà, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Et donc voilà, il y a pas mal de choses. Il y a un site, c'est ça? Oui, c'est ça, lejourleplucourt.com. Je le remettrai sur notre site bulle-de-rêve.com. Donc ensuite, on passe après en janvier, donc la période des fêtes, où il y aura la reprise du palmarès de Bru. Donc qui se fera le vendredi 6 janvier au studio des Ursulines, et qui se fera avec l'avant-première de Tempête dans une chambre à coucher de Laurence Arcadia et Juliette Marchand, qui a déjà été diffusé à Paris, mais qui a pas eu d'avant-première vraiment en salle. Donc, le vendredi 6 janvier, il y aura à 20h d'abord l'avant-première du court-métrage. Ensuite, le palmarès de Bru qui durera 1h35. Et donc, dans les films, il y a... 1h35? Oui, 1h35. Wow. J'ai demandé un peu le déroulé. Et 1h35 de films parce qu'il y a eu pas mal de mentions, de prix, de mentions, etc. Donc, il y a plus d'une dizaine d'accord. de films. Ils vont même passer les mentions. Voilà, d'accord. tout à fait. Ils vont vraiment passer tout le palmarès. C'est donc c'est 6 euros l'entrée, wow. mais voilà, il y a l'avant-première, il y a tous les films dont Bisclavret. Donc c'est vrai que 6 euros pour 1h50 de projection plutôt que 12 euros des fois pour 1h30, 1h40. Dans une belle petite salle, sur des Ursulines. Une salle qui fait, souvent Florian ici et c'est quand même super intéressant. Et t'en pas dans une chambre à coucher, vraiment bien, vraiment un film vraiment adorable. Pour tous ceux qui n'ont pas pu se rendre au festival, moi j'en suis, malheureusement j'étais un peu loin. Ce sera l'occasion de faire une séance de rattrapage. Voilà, et il y aura certains réalisateurs qui seront présents, et donc voilà, à aller voir. Ensuite, je vais parler. On dit pas les palmarès parce qu'en fait, on s'en fout un petit peu ici. Bah, des je vais remettre les six. Enfin, voilà. Tu veux tous les citer ? Non, moi je peux redire le grand prix court-métrage, c'est La Douce de Anne Larry, qui est pour les étudiants, c'est Matatoro, donc de Super Focom Arles. Bon, c'est des films que j'aime bien, je sais pas si tu veux en dire quelques mots, mais voilà. Pour moi, les palmarès sont importants pour les créateurs, bien évidemment, heureusement que vous avez ça, et pour les médias officiels qui ont besoin de ce genre de choses. Je crache pas dessus, je trouve ça important que ça existe. Après, je pense pas que ça soit... Moi, j'ai arrêté depuis maintenant très longtemps de les publier sur The Web Anime parce que je considère que c'est pas une information. C'est important pour vous. Mais ce n'est pas une information réelle pour moi. Je suis très content. De toute façon, il y a une dizaine de films, donc il n'y en a pas un qui sort. Il faut aller voir le programme. J'aurais aimé que La Fille qui pleut ait un prix. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Alors, ensuite, en sortie cinéma. Ah, donc, c'est notre moment préféré entre Florentine et moi. Non, j'ai le 4 janvier, Goodbye Mr. Christie. Alors, je vous en ai parlé pas mal de fois depuis septembre. Enfin, depuis même Annecy, depuis que je l'ai découvert à Annecy. Donc, qui devait pas être distribué au début. Puis finalement, ED Distribution, qu'on a reçu en octobre, le sort, mais alors dans 2-3 salles à Paris. Enfin, ça va vraiment être confidentiel. Donc, si vous voulez le voir sur grand écran, il faut vraiment regarder où est-ce qu'il passe. Je crois un ou deux MK2, puis une ou deux petites salles. Mais c'est... Donc, le 4 janvier. Voilà, donc de film Uloy, un film radical qui ne laisse pas indifférent. Qu'on adore ou qu'on déteste, mais je pense qu'il faut aller le voir pour se faire son idée. Voilà, Ilan a son avis c'est sur la question. Radicalité, non, c'est très bien dit. Voilà. Et donc le 11 janvier, dans un autre genre complètement à l'opposé, je dirais, La Colline aux Coquelicots, donc de Gorō Miyazaki, le dernier Ghibli. Et donc là, que je n'ai pas vu, j'ai vu que quelques images, je serais pas quoi en dire, donc je vais passer peut-être la parole à Ilan qui va peut-être nous en dire c'est deux mots. C'est sympathique, oui. C'est sympathique. Le film, oui, le deuxième long métrage de Miyazaki Gorō, est nettement plus réussi que le premier, on va dire. C'est un film qui est basé sur une bande dessinée, qui adapte une bande dessinée donc pour les filles, une bande dessinée de tournant des années 80, qui joue beaucoup d'une certaine forme de nostalgie. C'est une production qui est, comme la plupart des productions des jeunes réalisateurs dans ce studio depuis maintenant plusieurs années, une production beaucoup plus légère en termes de coûts, en termes d'équipe. Donc c'est une production qui n'a pas peut pas prétendre à la même ambition que celle du père du réalisateur ou donc de Takahata. Bon, ce ne sont pas les mêmes moyens qui sont mis dans la balance, donc c'est un peu délicat de les juger effectivement en parallèle. Mais c'est un film qui n'est pas... déplaisant, mais qui fait beaucoup appel effectivement à ces codes et ces conventions qui peuvent être parfois indites, mais qui sont très très fortes dans la bande dessinée pour les filles. Donc il y a énormément de choses qui sont là pour avoir un impact dramatique ou sur le cours du récit qui sont très très conventionnels dans le sens où on sait que les attentes du lectorat de ces bandes dessinées sont très portées sur des enjeux comme ça, sentimentaux. Et donc on est très on est porté par ces enjeux entre les personnages qui peuvent faire sourire un petit peu, parce qu'il y a une forme de dramatisation qui est construite sur des ressorts, des conventions, des clichés qui nous sont quand même un peu distants, je dirais. Voilà. D'accord. Moi, j'avais pas vu le premier, donc ça m'intéresse. J'aimerais bien aller le voir par curiosité. C'est vrai que souvent on parle des films de Miyazaki père ou de Takahata, et peut-être moins de la jeune génération qui va devoir prendre la suite de Ghibli, puisque on en parlera peut-être très légèrement dehors, mais de toute façon, il y a toujours eu du mal à se mettre en place. C'est toujours la quadrature du cercle, hein, évidemment. Quand on a des réalisateurs qui sont aussi importants, construire la relève, c'est vraiment un défi. C'est peut-être le défi le plus difficile à relever. aussi bien pour ceux qui doivent être relevés. Et puis, évidemment, c'est très compliqué aussi de, ouais. d'accepter ou de voir. Bon, on va en parler juste après. Voilà, et je vais juste finir sur un appel de soutien au festival Plein la Bobine que je relève, parce que c'est pas le seul festival, malheureusement, ou événement culturel qui a des difficultés financières en ce moment, mais... Ouais. Là, la 10e édition ne verra peut-être pas le jour, et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup, ils ont envoyé beaucoup de mails pour au moins avoir des messages de soutien. Donc, Plein la Bobine, c'est un festival qui a lieu au Mont d'Or et à la Bourboule en juin, qui est un festival jeune public, donc pas qu'animation, mais qui a vraiment une sélection qui va plus loin que le jeune public, un peu pour enfants, qui montre vraiment des choses pointues, qui fait des panoramas ou des choses vraiment très intéressantes et qui là, toi, tu avais participé, a priori, oui, j'y suis allée cette année. Donc j'ai pu vraiment voir tout le travail qu'il fait avec les scolaires sur place, avec mais vraiment une programmation. J'ai vraiment découvert des choses. C'est pas léger. Ça va vraiment. J'ai découvert des choses qui moi-même m'ont parlé, même des films sur l'adolescence, des choses très pointues, et j'ai été épatée. Et même le cadre, c'est vraiment très agréable. Je connais plein de réalisateurs qui y sont allés, qui en gardent vraiment un très bon souvenir. Et on peut manifester son soutien, que ce soit financier ou même écrire juste un mail pour les soutenir sur coordination@pleinlabobine.com. Donc, de toute façon, je vais remettre pareil les. Je vais relayer, on va refaire du copier-coller de la lettre qu'ils ont mis. En coordination, vas-y, redis-le. Alors, c'est coordination@pleinlabobine, tout attaché.com. Voilà, où il y a le courrier postal, et etc. Donc, ils ont eu un message d'appel à soutien pour que vive Plein la Bobine, où ils expliquent un peu tout ce qui se passe. Et ils espèrent que la 10e édition aura lieu donc du 9 au 14 juin 2012. Mais c'est vrai que c'est... Et malheureusement, ce n'est pas le seul festival. J'ai entendu que Voix d'Étoile à Pessac aussi avait des difficultés financières ou d'autres. C'est de plus en plus difficile de monter des festivals. Pas seulement en France d'ailleurs. Hein. Voilà, pas seulement en France. Mais... Et puis pas que malheureusement les festivals. On sait bien que la culture, c'est difficile. Et dès qu'il y a des crises ou il y a des choses comme oui, ça, les événements culturels en prend malheureusement... au niveau des subventions, en disant bah, « Attendez, c'est plus important de faire autre chose », ça remonte à ce que je vous disais le mois dernier. Non, la culture est importante, et même si, évidemment, des besoins très primaires, on va dire, comme manger... Élémentaires, merci, pour manger, etc., sont importants. Autant la culture est fondamentale à défendre. Et il y a plein de cinémas qui ferment aussi, de plus en plus de cinémas qui commencent à fermer, parce que le CNC et tout ça ont obligé au numérique aussi. On n'est plus dans l'argentique. Qui change de propriétaire. J'ai appris que le D'Enfer avait changé de propriétaire, avait été racheté. Le D'Enfer change de propriétaire, tout à fait. Alors voilà, donc il y a vraiment, comme je disais, 2012 est peut-être pas la fin du monde, mais 2012 en tout cas sera un combat éternel, hein, ça sera pas la première fois, mais un combat, surtout évidemment si, comme vous le savez, même si de toute façon les tenants de la gauche seront, j'en profite Tony, et pas dans le studio, je fais un petit coucou, mais voilà, même si les gens de la gauche, on le sait bien, officiel passe, ce sera quand même de toute façon très dur, il faudra combattre. Je parle même pas évidemment si si on rempile le roi, voilà, du roi et l'oiseau, rempile encore, et ben voilà, ça sera dur. Mais bon, donc il faut soutenir ce genre de choses. Et donc, de toute façon, vous retrouverez toutes les informations sur www.bulle-de-rêve, bulle avec un S, rêve avec un S, tout attaché.com. Voilà. Merci beaucoup. On va faire une première pause musicale avant d'entamer cette heure et demie sur le Japon et sur les nouveaux réalisateurs, la nouvelle génération japonaise, quand même, en regardant un petit peu, comme je vous ai dit, chez les pionniers pour voir ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, c'est pas parce que c'est les fêtes, c'est comme ça, c'est une spéciale comédie musicale. Ne me demandez pas, c'est juste une redécouverte, voilà. Et donc, on va écouter le morceau. Ah, et c'est là où vous connaissez, si vous êtes habitué, je dis toujours à Nicolas plein de morceaux. Le morceau numéro 2, qui est Bye Bye Baby, où vous entendrez la voix de la magnifique Jane Russell et la voix de la magnifique Marilyn Monroe ensemble. Donc ça sera un beau moment. Et on enchaînera avec le morceau numéro 3, qui est très court normalement. Et le morceau, Alexis, prends ton temps, numéro 4. Voilà. Merci Nicolas, on se retrouve juste après avec Florentine et Ilan. Bye, baby. Remember, you're my baby when they give you the eye. Although I know that.